Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau De Branques Sinoriens. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais laisser la part belle au corbeau qui va vous parler de trois films avec Scott Adkins. Le premier film dont il va parler ce sera Close Range. Je ne rebondirai pas tellement dessus parce que je l'ai déjà traité au tout début de De Branques Sinoriens quand j'étais encore tout seul et que c'était encore deux films sinoriens. Voilà, je me permettrai sans doute de donner mon avis à la fin. Puis il parlera du diptyque One Shot et One More Shot. Et enfin, je terminerai moi-même en parlant d'un autre film avec une autre action star, mais d'une autre décennie, hein, puisque je vous parlerai de Haute Tension avec Michael Dudikoff et qui date de 1997. Pourquoi Haute Tension, me direz-vous? Eh bien parce qu'il était dans mes cartons et qu'il se trouve que les copains d'iKick dans ton podcast en ont parlé récemment, dans leur dernier podcast justement consacré à Nicky Larson. Voilà, comme ils ont parlé de Richard Norton, par ricochet ils en sont venus à parler de Haute Tension. Voilà, donc je vais leur faire un petit coucou à travers cette chronique. Bon, on commence tout de suite en écoutant Le Corbeau nous parler de Close Range. Allez, un petit Scott Adkins des familles pour se remettre des étrons précédents. Colt, Scott Adkins, un ex-soldat hors-la-loi, s'introduit dans le repère de narco mexicain pour y libérer sa nièce. Après quelques pétages de nuque et coups de couteau, il la fait sortir et la ramène à sa mère. Malheureusement, les narcos franchissent la frontière, aidés par le shérif local. Il va devoir se battre pour rester en vie et sauver sa famille. J'aime bien Scott Adkins, ce stacanoviste du DTV. Et là, dans la catégorie DTV, on est franchement dans le moyen, voire le dispensable. Je n'attendais pas grand-chose d'Isaac Florentine, malgré ses très bons Undisputed 2 et 3. Le gars a fait plusieurs films avec Scott Adkins, mais n'est pas un génie. D'ailleurs, si vous aimez voir Scott lever la jambe, vous aurez droit à moins de 10 minutes de combat à main nue. Le reste du temps, il défouraille comme un débile sans quasiment jamais toucher sa cible et sans recharger. Le film manque clairement de pognon, peu d'acteurs et tourné dans l'entrée d'une petite ville qui semble abandonnée. Trois lieux, le repère des Mexicains, la campagne alentour et la maison de sa sœur. Et c'est tout. C'est vite vu et vite oublié. À part un final hommage ou parodie, je ne sais, bon, la brute et le truand, rien ne ressort de ce film qui a quand même le bon goût de ne durer que 80 minutes. Bon allez, c'était ma résolution, je vais essayer de trouver un truc positif. Scott est toujours bien impliqué physiquement. Pour le peu que sont montrées ses capacités martiales, le mec y va toujours à fond et fait ses cascades, un bon point. Ah, je peux pas m'en empêcher. Le film part un peu dans le nanar avec le doublage français des Mexicains. Il parle comme le chapeauté. Je vais faire justice moi-même. Tout monte dans la voiture. Non mais c'est pas possible, le responsable de doublage est fan de Michel Leeb. Mais ça m'a tiré quelques sourires. Voilà, et bien je pense que, outre son accent mexicain mémorable, hein, le corbeau a une grande carrière dans le doublage, je pense qu'il a lui aussi tous les DVD de Michel Leeb chez lui, et peut-être même un hôtel dédié à sa gloire. Au-delà de ça, donc disais-je, avant de m'interrompre assez salement avec mes conneries, oui, Close Range, donc, pardon, je m'égare. Oui, j'en pensais à peu près la même chose que Le Corbeau, c'est une série B, à mon goût assez honnête, mais sans plus. Tout comme Le Corbeau, je déplorais un petit peu le manque de côté martial, mais le côté gunfight est assez efficace, et moi j'avais trouvé Close Range, on va dire une série B, efficace, mais sans plus. Bon, maintenant, laissons-le nous parler de One Shot, qui était quand même, à mon goût, un classique instantané. Voyons ce qu'il va en penser. Des SEALs doivent récupérer dans une prison secrète de la CIA un prisonnier. Malheureusement, pendant cette opération, ils sont attaqués par des mercenaires qui veulent aussi ce prisonnier. Cependant, le chef des SEALs, Jack Harris, c'est Scott Adkins. Commençons par ce qui va bien. Le film est un unique plan séquence. Les coupes sont quasi invisibles et la prouesse technique, vu le type de film, est plutôt impressionnante. Mais malheureusement, c'est le seul aspect un tant soit peu attrayant à l'œil que ce film possède. En effet, le plan séquence permanent empêche le dynamisme de la réalisation. On ne peut pas sauter d'une action à l'autre, on suit toujours un personnage, et pour retourner à notre héros, on fait à chaque fois un parcours qui est clairement artificiel, avec de longs tunnels de dialogue entrecoupés de séquences d'action. Techniquement, les gunfights sont plutôt bons. Malgré l'utilisation de son numérique, et assez risqué parfois avec l'utilisation d'explosifs. Scott Adkins fait ce cascade, mais le scénar ne lui offre pas de mettre en avant ses capacités martiales. Encore plus décevant quand on voit qu'il se confronte à Jess Liodin, pratiquant de MMA. Je ne parle même pas de la présence de Ryan Phillippe, 10 minutes montre en main, qui est sûrement venu toucher un chèque. Je ne vois même pas ce qu'il fait là, tellement son personnage est inexistant. Ce film est plutôt insoufflé, impressionnant à première vue, mais rempli d'air et ne supportant pas l'attente. Voilà, je trouve Le Corbeau un petit peu dur avec One Shot. One Shot est effectivement plus un film d'action avec gunfight qu'un film martial, mais en soi, moi j'ai trouvé que l'attention du film se tenait plutôt bien et que le rythme était quand même plutôt correct. Voilà. Après, je dois avouer que, à titre personnel, j'ai préféré la suite, mais parce que dans la suite, il y a Michael J. White et j'ai un petit parti pris. Voilà, mais je vais laisser la parole à nouveau au Corbeau. One More Shot reprend immédiatement après One Shot, avec Scott Adkins qui ramène Mansour sur le sol américain afin qu'il révèle où il a envoyé la bombe. Malheureusement, Mansour est fourbe, lâche et ne veut pas parler, sans compter qu'une autre équipe de commando va prendre d'assaut l'aéroport pour faire parler Mansour. On reprend les mêmes, enfin, ceux qui sont encore en vie, et on recommence. Toujours en plan séquence, avec les mêmes qualités et défauts que le précédent. D'un côté, l'increvable Scott Adkins, de l'autre, des mercenaires qui vont à l'abattoir. En revanche, il semble y avoir plus de moyens, et visuellement, ça se voit à l'écran. On est toujours plus sur un film d'action avec armes à feu qu'un film martial. Heureusement, deux ou trois scènes de combat mano-mano, pas mal troussées, mais un peu courtes, viennent nous flatter la rétine. Et au niveau casting, on a le droit à un Tom Béranger clairement fatigué, qui vient pour le fric, ainsi que l'inestimable Michael J. White, en grande forme, mais qui n'a le droit qu'à 10 minutes de présence. Et je peux vous dire que j'attendais un peu la confrontation. Ben 2 minutes qui semblent 10 secondes et c'est fini. Dommage. Surtout quand on connaît ses qualités d'artiste martial et sa présence physique. Si vous ne me croyez pas, revoyez une dispétite 2. Les coupures de plan séquence me semblent se voir un peu plus, ou en tout cas, me sont devenues plus habituelles. Parfois, le réal filme à la pit-off, c'est-à-dire à 2 cm du pif des acteurs. Il y a toujours ce problème de l'action qui ne peut se téléporter d'un lieu à l'autre et qui paralyse un peu la mise en scène. Mais d'un point de vue technique, ça reste très fort. Oui, imaginez la gestion de l'espace, de la lumière, des reflets, des ombres, des combats, etc. Et vous relativiserez très vite mes critiques. Pour finir, je ne comprenais pas pourquoi, en se battant contre Michael J. White et tombant à côté d'armes à feu, il ne s'en servait pas. Eh bien oui, imaginez Michael J. White qui vous met des grosses patates. Perso, je cherche assidûment un lance-roquettes, enfin, s'il ne m'a pas tué au premier coup. Eh bien, sûrement à cause de cette fin ouverte qui, j'espère, annonce un troisième épisode. Perso, je signe tout de suite. De la série B qui se donne autant de mal et offre un spectacle qui te prend pas pour un con, ça se fait un peu rare. Et ben voilà, avec Le Corbeau, on se rejoint au moins pour le 2. Voilà, il y a Michael J. White, il y a beaucoup plus de baston, c'est bien plus dynamique, et s'il y a un 3, on signe tout de suite. Alors, j'ai dit s'il y a un 3, en vrai, on le sait, il y en aura un troisième qui sera One Last Shot, il me semble, et qui est prévu pour l'année prochaine. Donc le rendez-vous est pris, et croyez-moi, je le manquerai pas. Et j'espère que Le Corbeau non plus, avec un peu de chance, on le regardera même ensemble. Sait-on jamais. Bref, bon, et ben maintenant, le moment que vous attendez tous, on va parler de Haute Tension, donc dont High Kick dans ton podcast a fait mention lors de leur dernier épisode. Et coup de bol, parce que moi, c'est un film que j'ai encore tiré au dé. Donc, Stratégique Commande, de son nom original, et encore un Michael Ludikoff que je ne connaissais pas, et qui date de la fin des années 90, 97 d'ailleurs, pour être précis. Je suis pas tellement confiant quand je lance, bien que l'ami Jazz m'en ait dit du bien. Et j'avoue que le premier combat m'a un petit peu rassuré, c'est pas si mal gaulé. Et en plus, il y a Bryan Cranston, donc finalement ça s'annonce pas si mal. Et puis le film se déroule, et c'est un mélange entre Air Force One et Rock sorti peu avant. Puis il y a aussi un petit peu d'Ultime Décision dedans, mais sans panda frétillant. Alors ok, le mélange peut sembler un peu indigeste, et ce téléfilm ne brille pas par sa finesse. Mais malgré un ventre mou et un rythme peu trépidant, il faut bien l'avouer, je dois reconnaître que j'ai pas passé un mauvais moment. Alors ok, ça surjoue. Surtout Bryan Cranston qu'on croirait échapper d'un épisode de Malcolm. Et c'est pas très bien filmé, et puis la musique est générique. Mais le climax est plutôt efficace, c'est suffisamment bas du front pour me faire sourire, et ma nostalgie, pour ne pas dire sympathie, envers Dudikoff fait le reste. Alors oui, c'est pas le film du siècle, objectivement ce n'est même pas un bon téléfilm. Mais pour son budget et sa catégorie, je préfère largement revoir ce Stratégique Commande que Red One ou encore Mrs. Tingle. Alors, je le conseillerais quand même qu'aux amateurs d'actionneurs de vidéoclub hein, ou aux déviants comme Jazz et moi, ou encore aux fans de Richard Norton qui fait un méchant très très convaincant. Et c'est tout pour cette semaine, donc j'espère que vous aurez des films qu'on vous aura donné envie de découvrir,